Chapitre 4. Arrivée devant les rives du golfe du Mexique. Le 2 février, on passa près des îles à l'ouest qui cachent le delta du Mississippi. Elles furent nommées de la fête du jour du nom d'île de la Chandeleur, qu'elles conservent encore aujourd'hui. M. d'Iberville, ni personne de l'équipage, ni M. de Graff, ni le pilote qui lui avait été donné par M. Ducasse, ne connaissaient l'existence de cet immense triangle de détritus amené au milieu de la mer par le Mississippi, et qui, à partir du 30e degré, s'avance dans la mer et à peu près de 40 lieues d'étendue. Il avait calculé que le Mississippi débouchait au 30e degré de latitude, à mi-distance de la baie Saint-Louis et de la Floride, laquelle côte suivait constamment la ligne du 30e degré de latitude. Il ignorait que le Mississippi, arrivé à cette hauteur, avait amené un immense amas d'alluvions, et que son embouchure était reportée à 40 lieues plus loin. D'ailleurs, il voulait avant tout explorer les rives des possessions espagnoles. Il dirigea donc ses bâtiments vers le 30e degré, en marchant en ligne droite à partir de l'extrémité ouest de l'île de Cuba. Après avoir dépassé les îles de la Chandeleur, il se dirigea à l'est pour explorer toute la côte, en commençant du côté de la Floride par les pays occupés par les Espagnols. Il aborda d'abord au 90e degré de longitude, il reconnut Pensacola, station espagnole. Il la croyait considérable, mais il n'y trouva que quelques soldats. Il se dirigea vers l'ouest pour explorer la côte et la débarrasser de toute occupation étrangère. Il parcourut la côte depuis la Floride à l'est jusqu'au lac situé à l'ouest à la tête du delta, examinant et sondant partout. Alors, ayant vérifié qu'il n'y avait ni anglais ni espagnol dans tout ce parcours, et de plus ayant appris par les relations des sauvages et par le témoignage des espagnols qu'il y avait l'embouchure d'un grand fleuve en remontant au sud-ouest, il se décida à prendre connaissance de ces localités. Il commença par établir un fort dans l'endroit qu'il jugea le plus convenable, à moitié chemin de l'occupation des Espagnols à Pensacola. Pendant qu'il était occupé à cet établissement, il examina tout le pays d'alentour et accueillit avec empressement la visite des tribus sauvages environnantes. Quant au pays, il était presque aussi beau que le littoral de Saint-Domingue. L'on voyait des pins et des cypriers sur de grandes étendues, des prairies surabondantes, des arbres à fruits d'une force de végétation inconnue en Europe. Tout était à l'avenant. Des outardes ou oies sauvages énormes, des poules d'Inde qui volaient par légion, et que l'on pouvait prendre avec la main ou tuer à coups de fusil sans enrayer les autres. Dans ces étendues, des fruits pleins de saveurs, des plantes pleines d'arômes, une végétation vigoureuse recelant dans ses profondeurs des milieux d'oiseaux pélagiques, des cormorans, des canards, des flamands, tandis que le vol et les cris des perroquets animaient la solitude. Le 4 février, M. d'Iberville fit une excursion sur les bords. Il vit des quantités de chênes de la plus belle venue, des ormes, des frênes, des pins, des vignes en grand nombre. Sur le sol, des herbes vigoureuses semées de violettes, de giroflées, de févroles comme à Saint-Domingue, des noyers d'une fine écorce, des bouleaux. Le temps était très beau, l'air très chaud. Il explorait et faisait sonder toutes les embouchures des fleuves principaux qui se rendaient à la mer. Après l'admiration pour les richesses de cette nature presque tropicale, M. d'Iberville avait une attention particulière pour s'attirer la confiance et l'affection des indigènes, qui entraient pour une grande part dans ses projets d'avenir. Ceux-ci détestaient les Espagnols, dont ils avaient depuis longtemps éprouvé le caractère violent et implacable. De plus, ils surent bientôt que les Français, établis dans les régions du Nord, s'étaient toujours attachés à gagner les Indiens qui les environnaient, par les procédés les plus affectueux et les plus généreux. Les Biloxis vinrent d'abord saluer les nouveaux arrivés, et il paraît, d'après la relation de Pénicaud, qu'ils purent s'entendre avec plusieurs Canadiens qui connaissaient l'Iroquois, et qui formaient une forte partie des équipages. Après les Biloxis vinrent 5 autres nations situées aux environs du Mississippi, les Bayagulas, les Chichipiaks, les Umas, les Tonicas. Pénicaud raconte la cérémonie qui accompagnait ces rencontres. les sauvages arrivaient en présentant, en signe de bienvenue, une énorme pipe longue d'une aune, ornée dans toute sa longueur d'une immense quantité de plumes disposées en forme d'un vaste éventail. C'est ce qu'ils appelaient le calumet. Ils le chargeaient de tabac, l'allumaient, puis le présentaient au nouvel arrivé. Monsieur d'Iberville, qui n'avait jamais fumé, nous dit-il, n'en pouvait supporter le goût. Mais il ne disait rien, fumait, il refumait avec la plus grande complaisance. Pénicaud rend compte d'une de ces cérémonies qui fut plus solennelle que les autres. Les chefs des cinq nations que nous venons de nommer vinrent au fort avec leurs hommes. Ils chantaient tous. Ils commencèrent par dresser un poteau orné de verdure et de couleurs éclatantes. Puis ils dansèrent autour, tandis que plusieurs d'entre eux allèrent chercher M. d'Iberville. Chantant avec leurs instruments et leurs tambours, ils firent monter M. d'Iberville sur le dos d'un sauvage, qui devait servir de coursier, et qui imitait l'allure et les courbettes, et même les hennissements d'un cheval d'apparat. Lorsqu'on fut arrivé au poteau, on fit asseoir M. d'Iberville avec ses gens sur des peaux de chevreuil. Puis on commença une danse guerrière, pendant laquelle chacun des sauvages, revêtu de ses armes, allait frapper de son casse-tête des coups sur le poteau et racontait ses exploits. M. d'Iberville répondit à ces démonstrations en faisant venir les présents. Des couteaux, des rassades, des vermillons, des fusils, des miroirs, des peignes, de plus des habillements, des capots, des mitasses, des chemises, des colliers et des bagues. Les Canadiens, qui avaient l'usage de tous ces habillements, en revêtaient les sauvages. Après cela, M. d'Iberville servit un repas pour tous les assistants. De la sagamité au pruneau, des confitures, du vin, de l'eau-de-vie, à laquelle on mit le feu, ce qui émerveilla les sauvages. Après cette cérémonie, M. d'Iberville prit ses dispositions pour continuer son exploration. Il savait désormais où était l'embouchure du Mississippi, c'est-à-dire à 15 ou 20 lieues au sud-ouest. Là se trouvait l'embouchure d'un grand fleuve, que les sauvages appelaient le Malbancha, et les Espagnols la rivière aux Palissades, à cause des arbres qui en barraient l'ouverture. Ce qui s'accordait avec les relations de M. de La Salle. M. d'Iberville avait reconnu qu'il n'y avait ni Anglais ni Espagnols dans le golfe, et qu'il n'avait à craindre aucune rencontre ennemie. Dès lors, il prit congé de M. de Châteaumorant, dont il n'avait plus à réclamer l'assistance. Ils se quittèrent dans les meilleurs termes. M. de Châteaumorant appréciait hautement la capacité et le zèle de M. d'Iberville, et il le traitait avec la plus grande considération, comme un vrai gentilhomme. Cela formait un contraste sensible avec les duretés que M. de La Salle avait eu à endurer du commissaire de la marine royale, qui l'accompagnait, et qui, par son entêtement et son ignorance, avait fait manquer toute l'entreprise. M. de Châteaumorant laissa une centaine de barriques de vin, de la fleur et du beurre, dont M. d'Iberville avait besoin, et il partit pour Saint-Domingue, où il pouvait se ravitailler.